Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. You'll turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 8e épisode déjà de la mécanique des ondes. Le concept de l'émission, je vous le rappelle, c'est de donner la parole aux grands acteurs de la bande FM. Qui sont-ils? Comment ont-ils commencé à la radio? Et quelle est leur vision du média? Aujourd'hui, je reçois Philippe Audouin, collaborateur spécialisé à Radio France. Bonjour Philippe Audouin. Bonjour Cécile. Alors, vous êtes au micro d'une radio associative. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Ça me rappelle mon adolescence, ouais. Lorsque j'ai eu la possibilité, ayant la langue bien pendue, de commencer dans une radio qui s'appelait Élébor FM. C'était à Chambéry, j'étais savoyard et j'aurais jamais cru que dans ma vie j'allais faire de la radio. Mais bon, je parlais déjà beaucoup et j'avais déjà une grosse voix à l'époque, et comme vous parliez de grands acteurs de la radio, du haut de mes 1m64, je veux dire que j'étais assez mal préparé, mais pour la radio c'était parfait en fait. Hein. On me voyait pas. Après le lycée, hein, puisque j'étais déjà quand même bien adolescent à l'époque, je faisais ça deux fois par semaine, c'était des vinyles encore à l'époque même, hein. J'avais des vinyles, des CD, on parlait mal, on parlait franchement mal, j'avais aucune technique de respiration, les vinyles on les rayait régulièrement hein, de toute façon, parce qu'il y avait de la bière qui coulait dessus, et évidemment les studios à l'époque c'était un peu le bordel, je dois avouer. C'était la fin des années 80, 16 ans, 88. Tout le côté technique, est-ce que ça vous intéressait? On faisait tout du sol au plafond. Hein. Je veux dire, j'étais agent technico commercial. Non, j'étais réalisateur, animateur, journaliste. Ouais, on faisait tout. Et d'ailleurs, j'ai fait tous les métiers de la radio a priori. Hein. Est-ce que ça a déterminé vos études? Parce qu'on commence à 16 ans, donc on passe quand même son bac. Pas du tout. Enfin, si, j'ai passé mon bac, bien sûr, mais ça n'a pas déterminé du tout mes études. Moi, j'étais en Savoie, dans une radio associative. Je pensais pas vraiment qu'on allait me payer pour faire ça, parce que ça me faisait hyper plaisir, quoi. Être payé pour se faire plaisir au quotidien, c'était super bizarre comme conception. Moi, mes parents étaient chefs d'entreprise, j'ai fait des études, j'ai fait un DUT Tech de Co, tranquille, et je me disais, voilà, en faisant des études commerciales, j'aurais tout un tas de possibilités, je pourrais rebondir sur tout un tas de métiers. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'ai un petit poil dans la main en plus, je vivais ma vie tranquille ou bilou, puis j'allais voir ce qu'allait se passer en fait. Hein. D'accord, mais on continuait toujours la radio. Ah oui, je continuais la radio, j'ai été faire mes études à Annecy, ce DUT Tech de Co, puis après j'avais quitté Chambéry, j'avais quitté mes parents, je m'étais déjà vachement émancipé, mais à une vingtaine d'années, voilà, je me suis retrouvé là avec mon diplôme en poche, une année de spécialisation en gestion qui commençait, mon petit costard, le lac d'Annecy, tout était beau, tout était doux, c'était chouette, mon avenir de vendeur dans l'immobilier allait commencer, j'étais très très content, j'avais une copine, une voiture, c'était bien du haut de mes 20 ans, et puis en fait il y a eu des événements personnels qui sont arrivés, et tout d'un coup j'ai pris conscience que c'était pas du tout ma vie, et en fait c'était comme dans un film, hein. En une semaine j'ai fait mon sac. Je comptais pas du tout aller à Paris, j'étais tellement bien au milieu de mes montagnes, moi, qu'est-ce que j'allais foutre à Paris, franchement. En plus, j'ai pas de provocation d'être mise en lumière. Mais en une semaine, j'ai fait mon sac, je me suis pointé gare de Lyon et j'ai débarqué à Paris pour faire de la radio. Voilà, comme ça. Voilà. Et c'est allé très vite, hein. J'ai fait une deuxième année au studio École de France, ils ont eu la gentillesse de me prendre directement en deuxième année. Je sais pas si j'ai bluffé ou si j'étais vraiment sincère dans ce que je disais. J'ai été très vite assistant directeur d'antenne à MCM. C'était assez surprenant. J'ai vite été viré aussi. J'ai commencé mes petits licenciements. Et puis après, j'ai intégré Énergie avec Éric Jean-Jean, pour qui j'écrivais des textes. À l'époque, on devait être en 93. Il faisait la matinale sur Énergie et moi j'étais hyper fier d'avoir débarqué à Paris et de commencer à travailler pour Énergie en national, hein, j'entends bien, donc c'était vraiment l'antenne nationale, j'étais hyper fier, mais j'étais déjà jeune et con, donc après il y a eu d'autres histoires, voilà. Alors pour Éric Jean-Jean, vous étiez donc auteur, pas d'antenne sur Énergie? Ah non, je parlais pas au micro, on est bien d'accord. Moi ce que je faisais c'est que j'épluchais de la presse people, j'épluchais tous les magazines, toutes les conneries qu'on pouvait dire sur les uns et les autres. quelque chose que je déteste absolument aujourd'hui, hein, parce que moi je lis pas ces magazines et j'en ai rien à battre. Hein. On change dans la vie. Voilà, on change. Mais bon, à l'époque, mes goûts étaient pas encore très très affirmés, donc je débarquais de ma province, moi travailler à Énergie, je trouvais ça fabuleux. Aujourd'hui, franchement, travailler à Énergie, ça m'inspire pas une seconde et j'envisage pas la radio façon Énergie. Mais bon, à l'époque, j'étais très content d'être dans mon petit bureau, d'éplucher la presse et puis d'essayer de générer des gags par rapport à cette info sur des gens qui pouvaient intéresser les auditeurs d'Énergie. Voilà. Donc j'étais un petit peu gagman, un chouï gagman. Voilà. Moi, je suis arrivé dans une époque de guerre. Et en fait, ça a caractérisé carrément toute la suite de ma vie. C'est-à-dire que chaque fois que je débarquais dans une radio, on n'était pas dans une période montante, on était dans une période de chaos. Donc à l'époque, à Énergie, il y avait un directeur d'antenne qui avait été piqué à Fun, il y avait des mecs qui avaient été mis en place par ce directeur d'antenne. Donc, et moi, au milieu de tout ça, bah, j'ai fait un petit peu tout. J'ai été réalisateur du 16-19 à une époque avec Laurent Lepape, voilà, qui a plus refait de radio par la suite, qui est parti vers une autre vie. Je me suis aussi occupé de stations Chérie FM Énergie, qui n'étaient pas des stations qui étaient ensemble à l'époque officiellement, mais Énergie. Qui ne faisaient pas partie du groupe. Voilà, Énergie. Mais à l'époque, Chérie FM, Rire et Chanson faisaient déjà partie du groupe Énergie, donc j'étais parti à Nantes m'occuper de ça, j'avais 21 ans, 22 ans, voilà. Je travaillais en radio, j'étais payé pour ça, c'était incroyable. Et puis après, je suis remonté à Paris. C'est là que j'ai été réalisateur du 16-19 et puis en plus et puis après il y a eu une espèce de gros clash. Ce responsable d'antenne qui avait été amené sur Énergie et qui avait placé toutes ses troupes, mais en fait Énergie l'avait pas mis forcément. Alors là je livre, c'est pas des secrets de toute façon, maintenant c'est très daté tout ça, hein. Ça date de 93, mais il l'avait pas mis en fait pour faire fructifier Énergie, mais pour que ce gars-là soit plus en face d'Énergie. Voilà, c'était une déstabilisation. Et ensuite, une fois que tout... C'est une stratégie, en même C'était une stratégie. Une fois que tout le monde a été à l'intérieur, bim, tout a explosé. On a lavé, on a fait le ménage, et puis c'est reparti sur d'autres gens, sur une autre structure et tout. C'était bizarre. Moi, c'était pas du tout mon monde, et j'ai été confronté à des choses un peu pénibles à ce moment-là, et j'étais pas venu faire de la radio pour ce genre de choses. Donc, bim, je suis sorti du jeu, et je suis passé dans une autre vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Oh là là. Pendant 2 mois, j'ai vendu de la télévision par câble. Et puis mon pote Laurent Lepape, qui était vraiment très gentil, qui avait aussi quitté Énergie, lui était reparti dans une autre aventure qui était une aventure d'information trafic. Donc on devait être en 94 ou 95, je sais plus exactement. Et ça a été un grand délire parce qu'il m'a fait embaucher dans cette boîte avec un bon salaire, avec un statut de journaliste. Et j'ai commencé à m'entraîner pour devenir speaker en information routière. Et c'était tout nouveau pour moi. Puis c'est vrai que bon, toutes ces années-là, j'avais pas forcément exploité mon propos, quoi. J'avais pas forcément exploité ma voix, donc je me disais ça va être du délire. Je vais commencer à parler sur telle ou telle radio de ce qui se passe sur les routes et autoroutes d'Île-de-France. Et j'y connais rien. En plus, je me déplaçais pas en voiture. Moi, à l'époque, je fais du vélo, voilà, j'étais un roller. Je connaissais à peine les stations de métro, j'avais pas eu le temps de m'habituer. Donc à l'époque, voilà, il y avait pas de capteur au sol dans les routes et autoroutes d'Île-de-France. Donc on n'avait pas aujourd'hui, comme aujourd'hui, internet avec un système qui disait il y a un bouchon là, il y a un bouchon là. Le système de caméra, il n'y avait pas tout ça. C'était en train d'être mis en place, mais on était très très loin encore de cette réalisation-là. Donc, la formation routière, elle se faisait très simplement en hélicoptère et à moto. Voilà. Donc moi, j'aurais dû être speaker dans une espèce de hub, en fait, où on recevait les informations de tous ces gens, on préparait une information un petit peu carrée pour la restituer sur des radios. Voilà, c'était relativement simple. Sauf que la nana qui était dans l'hélicoptère, elle s'est engueulée avec les patrons quasiment le jour où je suis arrivé. Et ils sont venus me voir, ils m'ont dit, demain, c'est toi qui vas prendre l'hélicoptère. Voilà. Donc, du jour au lendemain, 22 ans, tous les matins, j'avais une pilote, une ancienne de l'armée de l'air, je crois un truc comme ça, une blonde d'une trentaine d'années, qui débarquait sur une 600 Ténéré devant l'héliport à Paris. Elle débarquait, elle était évidemment belle, longiligne, avec des grands cheveux et tout. Et elle me disait, Philippe, petit café? Je dis, oui, oui. Puis après, elle me dit, on montait dans l'hélicoptère, et elle me disait, où est-ce que tu veux aller? J'ai dit, je sais pas, moi, où tu veux, chérie, franchement. Et en plus, j'étais jamais monté dans un hélicoptère, c'était un truc de barge, hein, franchement. Il fallait tout gérer, il fallait gérer l'hélicoptère. Ah ben oui. La gestion du trafic, quand même. L'émotion et la gestion du trafic, c'est-à-dire... Alors je lui disais, mais alors on est où, là? Elle me disait, là, c'est la cuvette de Savigny. Bon, il est quelle heure? 7h15. Bon, t'as qu'à dire, il y a 6 km de ralentissement dans la cuvette de Savigny, et puis sinon, il y a toujours 3 km aux portes d'Orléans et d'Italie. Je disais, cool, en direction de Paris, très bien. Bon, alors je disais ça. Alors, Philippe Audouin, dans l'hélicoptère? Eh bien écoutez, pour le moment, en direction de la capitale, la cuvette de Savigny par l'autoroute du Soleil est bien encombrée, et puis sur les assises A et B, porte d'Orléans et d'Italie, comme d'habitude, les premiers ralentissements se profilent sur les routes et autoroutes d'Île-de-France. C'était ça tous les matins? Ah ouais, c'était ça tous les matins, 1h30 le matin, 1h30 le soir. Voilà, moi j'étais un peu fracassé parce que je me levais tôt et puis j'y retournais après, mais c'était incroyable. J'ai fait ça pendant 4 mois et puis à l'époque j'ai dit à mon patron, je lui dis c'est quand même couillon, tu me payes assez cher pour faire de l'hélico le matin et le soir, on a aussi des équipes de motards, ça, ce qui serait bien c'est que tu me fasses passer le permis de conduire moto. En plus moi j'étais déjà motard, je faisais déjà du trial, du cross, des trucs comme ça, donc j'avais pas le permis moto. J'ai dit vas-y, fais-moi passer le permis moto, puis quand je descendrai l'hélicoptère je prendrai une moto et je ferai le tour. Il a dit ok, banco. J'ai eu le permis, début décembre, le lendemain, il n'y avait plus d'hélicoptère, ça coûtait 6000 francs de l'heure à l'époque, quelque chose comme ça l'hélicoptère, donc il n'y avait plus d'hélicoptère et j'avais une moto. Ah, j'ai dit, flûte, je me suis un peu fait manipuler, pour ne rien dire d'autre. Et je me suis retrouvé pendant un an, tous les jours, 8 heures par jour, à faire 300 à 400 kilomètres sur les routes et autoroutes d'Île-de-France. Et là, mes flashs étaient moins... Alors, ils étaient funky quand même, mais au début, je grelottais quand même. J'avais la trouille, la 12 venait d'être construite, tous les matins, j'y étais à 6h15 le matin, les 38 tonnes me passaient à côté dans le noir, à 120 km/h. Franchement, ouais. Et j'avais froid, on était début décembre, j'étais assez con pour y aller en petites chaussures de ville et en jean, et franchement... C'était roots, ouais. Mais en fait, sur le coup, franchement, je vais dire un gros mot, mais j'en ai chié. Franchement, c'était dur. Oui. C'était vraiment vous dur. Vous appreniez sur le terrain. Je dois dire qu'avec le recul, bien des années après, ça a été une des formations les plus rapides, les plus dures et les plus efficaces que j'ai jamais eues. La suite, c'est que j'ai fini par remonter à l'antenne et que je me suis retrouvé à fournir tous les matins pendant 7h30 d'affilée, de 6h du matin donc à 13h30, 9 radios donc d'Île-de-France, et ça, j'avais totalisé un 90 flashs par matin. Et en plus, il y avait des flashs qui étaient chronométrés, puisqu'il y avait des radios qui avaient des décrochages. Donc, si on disait c'était 45 secondes, c'était 45 secondes. Il y avait voltage FM où je devais parler à fond. Il y avait FG où je devais me comporter un petit peu précieusement. Il y avait Wii FM où je devais poser mes bollocks sur la table. Il y avait, enfin, chacun avait son style. Et c'était. Un caméléon complet. Ouais, mais c'était hyper formateur. Et moi, j'adorais ça. Parce que je suis speed. Et je suis d'une nature très, très énergique. Donc, j'adorais. Cette espèce de rôle de Zébulon, mais toujours très carré, très professionnel, avec du fond. La formation devait être juste, elle devait vraiment aiguiller chacun de nos auditeurs. Bon, et 20 ans après, c'est toujours le même bordel sur les routes. Hein. À croire que personne n'a rien compris, pourquoi est-ce que vous prenez encore vos voitures? Mais bon, moi je fais du vélo et ça va mieux. Et alors comment ça s'est terminé? Au point. Voilà, je me suis engueulé avec mon patron, on s'est presque battu et j'ai été débarqué du jour au lendemain. Alors après, bien sûr, on s'est expliqué de façon un peu plus procédurière. Oui. Sur le coup, on avait été très nerveux. Ouais. Voilà, et puis il y a une radio qui s'appelait Paris FM 95.2 qui était au Hall, et je venais de commencer à les fournir en flash d'information routière, et ils avaient trouvé ça chouette, ils m'ont appelé. Moi, j'étais retourné glandé chez moi, je m'étais dit, ben mince, j'avais 24-25 ans, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Où je vais maintenant et tout. Et ils m'appellent et ils me disent, tiens, tu viendrais pas nous faire un test, nous apporter une maquette, tout ça. Je dis, ah, ouais. Et bon, j'ai débarqué un petit peu tout à trac avec une maquette pourrie. Et le mec m'a dit, bon, bah, écoute, la meilleure des choses, c'est que tu prennes l'antenne. Je lui dis, mais quand? Il me dit, bah, maintenant. Bon, j'ai pris 2 heures d'antenne, j'ai raconté, mais n'importe quoi, tout ce qui me passait par la tête. J'ai fait la météo avec des canards, j'ai envoyé des Véronique Sanson, j'allais dire. Ah oui, Véronique Sanson, c'est quand même mieux. Enfin bon, que des vannes à 3 francs 6 sous et tout. Et au bout d'une heure, non, c'était une heure d'émission, voilà. Au bout d'une heure d'émission, il m'a dit, bon, bah, c'est ok. On va t'embaucher, en plus comme journaliste, donc tu vas nous faire des papiers, tu auras une tranche tous les jours de 2 heures, avec un bon salaire et tout, et ça va être cool. J'ai dit, bon, effectivement, c'est cool. Je foutais un bordel un peu sans nom dans la radio, je suis très très vivant comme garçon, on m'appelle la pile électrique, et c'était... Je remplissais trop d'espace, visiblement, dans cette radio. Mes responsables ont été très gentils avec moi. Ils m'ont dit, bon, Philippe, ça serait bien. Tu vois, tu prends tes rollers, ton vélo, que t'ailles nous faire des sujets sur Paris. T'as la fibre pour ça et tout. Et je me suis retrouvé propulsé dehors. Passe nous voir une fois par jour. Tu vois, le moins possible, en fait. Parce ouais, que, vous preniez voilà. De la place dans les locaux. Donc, voilà, il fallait vous faire sortir un peu. Voilà. Et donc, mon travail a complètement changé. Bon, à l'époque, déjà, j'ai commencé des chroniques de bande dessinée, qui était une de mes grandes passions. C'est là que j'ai commencé à être journaliste en bande dessinée, ce que je suis toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Et j'ai été dans Paris, j'appelais ça histoire et histoire de Paris. Histoire dans le sens de l'histoire avec un grand H. Donc sur Paris. Il y avait de quoi faire. Il y avait de quoi faire. Et puis les histoires de Paris, qu'est-ce qui se passe dans Paris par exemple, qu'est-ce qui se passe derrière les portes, où est-ce qu'il y a des petites maisons qui sont calées entre des immeubles, où est-ce qu'il y a des vues incroyables qu'on connaît pas sur Paris, dans le 19e arrondissement, où on passe à travers un immeuble et là on monte et il y a trois rues incroyables avec des pieds de vigne juste en bas, une petite pente et puis une vue incroyable sur Montmartre. Des trucs comme ça. Alors donc je passais ma vie à rêvasser dans Paris, à glandouiller dans Paris et à aller chercher toutes ces petites histoires qui font le sel de Paris et qui font la vie en fait. Et j'étais de nouveau sur le terrain et au contact de la vie. Et je dois dire que c'était pas mal du tout. Moi j'habitais Place Gambetta, j'étais très heureux Place Gambetta. Et je me suis barré à Madagascar, je me suis assis sur une plage, j'ai réfléchi au sens de la vie, je suis revenu, j'ai acheté un bateau et je vis dessus depuis 13 ans maintenant. Ah, c'est une très très bonne introduction pour votre pause musicale. Très bien. Comme ça, on va faire un break. On le mérite. On le mérite. Vous avez choisi quoi comme pause musicale, Philippe Audouin ? Je pense que j'ai choisi les Jet, Are You Gonna Be My Girl, pas pour la profondeur du texte, hein, bien sûr, bon pour le côté joyeusement naïf du rock'n'roll, mais juste parce que ce morceau, je le trouve hyper électrique, hyper rythmé, et j'ai l'impression que c'est à l'image de ma vie avec ce côté très hystérique en permanence, très énergique. Voilà, j'adore ce morceau. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Gonna be my girl. Toujours dans la mécanique des ondes sur Fréquence Protestante, c'est la mécanique de Philippe Audouin aujourd'hui qui dans les années 2000 part à Madagascar. C'était là-dessus qu'on s'était arrêté avant la pause musicale. Ouais, c'était un trip en fait, cette boîte Paris FM 95.2, bon, qui était un joyeux chaos, un joyeux bordel en fait, s'est arrêté. On a tous touché un petit peu de sous, pas énormément, mais c'était bien fait. Hein. Les gens ont été très humains, très corrects, avec tout le personnel. On peut pas dire voilà. Donc je suis parti et assez rapidement, j'ai essayé de me remettre en route sur des choses un petit peu parallèles. Et moi, j'avais commencé à voyager. J'avais été au Maroc, j'avais été en Inde et tout. Et quand ça s'est arrêté, bon, je m'étais remis dans des activités professionnelles, mais ça pétait pas loin. Alors et un lundi matin pluvieux, j'aime bien les changements radicaux. Hein. Franchement, moi les histoires de on anticipe sur les carrières, voilà où ça va me porter. J'en ai mais rien à péter, mais alors à un niveau qui me fait même flipper parfois. Mais un lundi matin pluvieux, je me suis réveillé, j'ai dit non, ça va pas être possible de retourner au taf. J'ai appelé le taf que j'avais à ce moment-là, que je vais pas m'étendre dessus, bref. Voilà, j'ai dit bah je vais pas revenir. Voilà, je suis allé à une nouvelle frontière, je me mets au Châtelet, il pleuvait, vraiment c'était un jour gris. Et j'ai dit bon ben j'aimerais aller au Costa Rica à San José. Voilà. Ils m'ont dit pour combien de temps ? Je dis bah je sais pas, 2 mois, 3 mois. Ah bon, on va voir les billets d'avion. Et la nana, parce que c'est toujours comme ça dans ma vie, les choses sont un peu bizarres. Elle s'est trompée, elle a pas pris un bon billet d'avion pour le bon San José. J'allais me retrouver je sais plus dans le 51e état américain à Porto Rico. Voilà, à Porto Rico, j'ai dit bah non, c'est pas ça. Elle me dit ah mais pour San José, j'ai un problème informatique et tout. Qu'est-ce que vous voulez faire ? J'ai dit bah je sais pas. Et j'ai regardé la carte du monde qui était derrière moi. J'ai vu Madagascar, là, en bas à droite. J'ai dit, et pour là, vous avez un billet d'avion? Elle m'a dit, demain, il y a un avion qui part. J'ai dit, bah, vous m'en mettrez un. Voilà. Et je suis parti. Et alors, vous rentrez... Ruiné, psychologiquement. Ruiné financièrement aussi. En plus, je venais de m'acheter un tout petit appart à l'époque. Donc, j'étais à crédit à mort. J'avais plus d'argent, j'avais plus rien. Et là, le téléphone sonne, et c'est une copine qui était partie à WeFM et qui me dit, tiens, on aurait bien besoin d'un gars comme toi à WeFM. Est-ce que tu viendrais pas nous voir? J'ai dit, bah, d'accord. C'était au mois de juin, il faisait beau, les filles étaient jolies, et WeFM m'a embauché pour aller en fait, alors au début ça s'appelait Faut pas rester là, et le week-end en fait j'allais sur dans les vide-greniers, sur les expos, sur les manifestations culturelles, sur les rencontres, les apéros, les fêtes de vendange, les trucs comme ça, dans tout Paris j'allais, puis je faisais des petits directs par téléphone portable pour dire un petit peu ce qui se passait, ce qu'on y vivait et tout. On retourne sur le terrain. Ouais, je retournais sur le terrain et c'était super cool. Par la suite, WFM m'a proposé des trucs de plus en plus fun, quoi. C'est-à-dire d'aller faire des coups, par exemple. Parce que je passais dans les émissions après en semaine, après dans les matinales ou les fins d'après-midi, et je faisais des espèces de coups. Par exemple, j'avais une voiture WFM et un 1er décembre, j'étais parti habillé en capote géante. C'était la journée de lutte mondiale contre le sida. J'étais parti en capote géante pour distribuer des capotes devant une église intégriste, Saint-Nicolas du Chardonnay, et je me suis fait attendre, non seulement par des auditeurs de WFM qui étaient très à cheval sur les questions religieuses et morales, voilà, et par les RG qui avaient aussi eu vent de la chose et qui étaient venus me protéger, en fait. Et moi, ça m'a hyper surpris, hein. Voilà, parce que je m'attendais pas. Voilà, je vois les choses de mon point de vue. Je m'attendais pas à ce que ça soit si tendu. Oui. Voilà. Donc c'était assez tendu ce jour-là. C'était moins tendu le jour où en capote géante, j'ai sauté à l'élastique. Ça, c'était plus fun, en direct pour WFM. J'ai sauté 3 fois à l'élastique en direct pour WFM. C'était très sympa depuis des grues dans le parc de Saint-Germain ou alors à Solidays. On a pas mal travaillé à Solidays, avec Solidays à l'époque. Moi-même, j'ai travaillé avec eux aussi sur des présentations de plateaux ou des choses comme ça. Voilà, ça me permettait de mettre ma pierre à l'ouvrage aussi. Et donc on faisait des espèces de petits coups. Mon histoire d'amour, parce que c'en était une, avec WeFM, puisque j'étais un rock'n'roller dans l'âme, a duré quelques 9 ans, jusqu'à ce qu'un fâcheux, et c'est dommage parce qu'il avait un petit peu guidé ma voix quand j'étais gamin vers la radio, il s'appelle Arthur, hein, voilà, qui est un personnage très très très très contestable, discutable, voilà, il s'est fait son petit plaisir de multimillionnaire, il s'est payé WeFM, Virgin a lâché WFM et tous les gens qui travaillaient avec le cœur et avec les tripes depuis des années dans cette radio. Virgin a lâché l'affaire, Arthur a racheté, il a fait un coup de violon aux médias en disant « je vais réveiller la belle endormie, j'adore les gens qui font WFM et tout ». Et après, on a pris une petite carotte quand même. Voilà. C'est-à-dire que dans la réalité, il a épongé les gens les uns après les autres. Alors moi, il m'a pas épongé tout de suite à l'époque. Il a attendu qu'en reportage, je me casse la gueule à moto. Donc je me suis cassé la jambe, triple fracture du plateau tibial. Je me suis retrouvé à l'hôpital, où je suis resté alité 1 mois. Évidemment, avec une triple fracture, c'était 3 mois que je devais rester alité. Moi, au bout d'un mois, je me suis levé, j'ai repris mes béquilles avec ma jambe en l'air et je suis allé bosser. Voilà, ils m'ont dit non et tout. Parce qu'en fait, eux, ils attendaient que de moi-même, je lâche l'affaire, quoi. C'est-à-dire que quand je revienne, ils me disent, écoute, on n'a plus franchement besoin de toi, t'arrives en fin de contrat. Voilà, ce genre de choses. Ils ont été ordures jusqu'au bout, quoi. Et je me rappelle très bien de, je vais pas le nommer, mais il sait très bien de qui je parle, de ce gars-là qui m'a fait monter dans le bureau de direction. Je venais de rentrer depuis une semaine avec mes béquilles, je travaillais pour la matinale, hein, à l'époque avec Josquin, et je suis monté dans le bureau de direction, escalier en colimaçon, donc avec mes béquilles, hein, je tiens à le préciser. Et il m'a dit, dis-moi, t'es intermittent du spectacle. Je lui dis, oui, parce que journaliste, c'est intermittent du spectacle. Enfin bon, c'est un peu une espèce de mélange des genres qui arrange bien les radios. Et le gars m'a dit, écoute, tu sais ce que ça signifie, donc tu fais ton carton et tu dégages. Voilà. Voilà ma sortie de WFM. Bon, après, ça s'est passé différemment. Oui, c'était quand même au bout de 9 ans, ça. Au bout de 9 ans, ouais. J'ai été animateur pour Volta, j'ai été journaliste pour Volta, j'ai été journaliste pour MFM, j'ai été chef de service à RMC Info, je faisais la météo avec Jean-Jacques Bourdin, qui est un personnage, dont on pourrait dire beaucoup. RMC, la vocation d'RMC aussi est une vocation, il y a un peu à boire et à manger, mais voilà, j'ai travaillé pour l'AFP Audio, où j'ai été Flashman et tout. Et puis, pendant ces années-là, j'ai commencé à travailler pour Radio France, pour une banque de programmes qui s'appelle Sophia, pour qui je travaille toujours, et d'ailleurs je les en remercie, parce que sur cette banque de programmes je fais beaucoup de choses, je fais de l'animation notamment, et je fais aussi des chroniques de bande dessinée, puisque je continue d'être journaliste en bande dessinée. Depuis une dizaine d'années je suis journaliste en jeux vidéo, ce que je faisais déjà pour WFM. Voilà, ma vie est très active, c'est très bien, et au passage, à ma sortie de WFM, avec mes petites béquilles, je suis retourné voir une radio qui me plaisait beaucoup, et pour laquelle j'essayais de travailler depuis 7 ans, hein, quand même, je venais taper à la porte, je disais coucou, est-ce qu'on pourrait discuter et tout, et ce jour-là, j'ai débarqué avec mes béquilles au Move, à Radio France, et ils m'ont pris. C'était tout simplement. Ils m'ont pris, tout simplement. C'était assez incroyable. Et je suis devenu pour eux animateur. Ensuite, je suis devenu chroniqueur, jeux vidéo, bande dessinée. J'ai fait beaucoup de sujets. mais vous en avez entendu parler, il y a beaucoup de choses qui ont changé, année après année, au MOUV, les patrons, les responsables d'antenne, tout ça, c'est, la structure a beaucoup changé. Moi, je me suis retrouvé tout seul à pas savoir ce que je foutais là et comment je devais travailler, avec qui je devais travailler et pourquoi je devais travailler. Donc c'est là que j'ai commencé à glisser vers ce qui était de loin le plus intéressant, c'est-à-dire Internet, la nouvelle économie, les nouvelles économies, les nouvelles façons de propager des idées, les nouvelles façons de pouvoir porter ces idées. Ce que, à mon avis, permettent de moins en moins les médias traditionnels. Mm-hmm. C'est-à-dire la radio telle qu'on la connaît aujourd'hui, ou la télévision telle qu'on la connaît, ou même les journaux hein, tels qu'on les connaît aujourd'hui. Pourquoi ? Ben parce que la structure fait que ce ne sont pas des médias libres, et que la majeure partie de l'info qu'on offre à travers ces médias-là, je dis la majeure partie, hein, c'est pas... Il faut nuancer aussi. Hein. Oui. Il y a des gens qui font très bien leur travail, il y a des médias qui font très bien leur travail. Mais globalement, on est là pour servir la soupe, pour servir des propos très consensuels, pour dire des choses que les gens ont besoin d'entendre. Et l'espèce de blocage, mais réellement de blocage, qui font sur la bande dessinée ou sur le jeu vidéo, qui sont aujourd'hui des arts majeurs, il faudrait qu'ils se réveillent, les amis. Ce sont des arts majeurs. Le jeu vidéo est le premier loisir au monde. Donc cette... Et qui génère plus d'argent que le cinéma, je le rappelle. Et la musique. Donc cette petite fenêtre qui m'a été accordée, ce salaire minable et ces moyens minables pour mettre en avant ce qui est probablement notre présent et notre avenir, je trouve ça absurde. Donc aujourd'hui, je vis avec ça, mais ma vie est plutôt cool et je suis ravi d'avoir eu tout ce chemin et toutes ces épreuves, parce que je pense que l'avenir me promet beaucoup, en tout cas. La mécanique des ondes. Alors, Philippe Audouin, bonjour, je suis Bruno Guillon. On ne se connaît pas, mais j'ai une question à te poser, puisque moi je sais ce que tu fais. Vu que tu es spécialiste de la bande dessinée, il faut que tu m'aides. Je suis un grand fan de BD, et le problème c'est que depuis quelques années, je ne trouve plus rien qui m'intéresse. Et j'ai l'impression d'être bloqué sur la BD belge, et aujourd'hui j'ai l'impression qu'il sort des bandes dessinées quasiment tous les jours. Et voilà, je veux des bons trucs, des trucs qui fassent que je replonge dans la BD, parce que ça me manque. Alors, c'est un conseil que Bruno Guillon vous demande, en parallèle de notre spécialiste maison, évidemment, Emmanuel Klein. Que je connais très bien. Mais je sais bien, parce que vous n'êtes pas nombreux, c'est vrai, à faire de la bande dessinée sur la bande FM. Eh ben, on n'est pas nombreux, et pour les raisons que j'évoquais précédemment, hein, juste pour preuve, Bruno Guillon dit que depuis quelques années, il savonne, il sait plus trop à quel sens se vouer pour lire une bande dessinée. On n'a jamais eu... Enfin, on en a eu, bien sûr, mais on n'a jamais eu autant de créativité, autant de belles histoires, autant d'histoires intéressantes en bande dessinée. Et moi, je revendique une partie de ma culture géopolitique, politique, historique, culturelle même, provenant de la bande dessinée. La bande dessinée est un vecteur d'histoire et de connaissances incroyable et fabuleux. Alors Bruno, moi je te dis une chose, première chose, sur internet tu as quelques sites de bande dessinée qui sont fabriqués par des passionnés, parce que c'est pas pour ce qu'on gagne qu'on fait ce métier là, loin de là. Si on commence à penser pognon ou carrière, on fait pas ce métier là. Donc on est très très peu nombreux sur l'AFM, on est très très peu nombreux en presse écrite et en télévision, voire en télévision il y a quasiment rien. Sur les nouvelles formes de médias, sur YouTube, personne ne chronique de la bande dessinée, personne, voilà. Moi, je suis en train de préparer quelque chose, à mon avis, qui va faire du bruit. Pourquoi ça va faire du bruit ? Ben, parce que on a un vecteur de communication incroyable, ouais. et on peut bien parler de bande dessinée. La bande dessinée est hyper riche, la bande dessinée franco-belge, il en parlait Bruno, mais la bande dessinée, et c'est bourré de préjugés, en fait. Voilà ce qui m'énerve le plus, c'est que tout le monde a un avis sur la bande dessinée et le jeu vidéo sans connaître, en fait, sans jamais avoir ouvert. Et des mecs ont lu une bande dessinée pourrie, ça existe, il y en a plein, ou ont joué à un jeu vidéo pourri, et se sont fait immédiatement une idée sur l'ensemble du médium. C'est débile. C'est juste débile. C'est un manque de clairvoyance, c'est un manque d'intelligence, c'est de la paresse intellectuelle, j'appelle ça. Alors, Philippe Audouin, une question, mais une réponse rapide. Quelle radio vous réveille le matin ? FIP. Quelle radio vous endort le soir ? FIP. Un endroit où vous écoutez toujours la radio ? Dans ma cuisine. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais ? Dans ma salle de bain. Votre meilleur souvenir de radio ? rapidement. Mon meilleur souvenir de radio. Non mais j'en ai tellement, je ne sais plus. Je sais pas, les concerts quand je montais avec les groupes parce que je venais de WFM, je sais pas. Ok, le pire. Le pire, quand à la fête de l'humanité, on m'a piqué la Oui mobile, l'espèce de smart. Enfin, on me l'a pas piqué en fait, c'est la fourrière qui me l'a tapé. Et quand je suis allé voir le policier pour payer l'amende et récupérer ma voiture, il m'a dit, oui, pour ça il faut les papiers de la voiture. J'ai dit, les papiers sont dans la voiture. Il m'a dit, allez chercher la voiture à la fourrière. Je lui ai dit, monsieur, la situation que vous me faites vivre est ubuesque. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, monsieur, on va pas commencer les insultes. J'ai dit, bon, je vais aller à la fourrière. Un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio, Philippe Audouin? Ne pas penser en termes de carrière et d'argent, ou alors vous allez tomber du côté de la force obscure. Moi, je vous conseille de vivre ça avec les tripes et le cœur. C'est la meilleure façon de vivre son activité professionnelle comme de vivre sa vie. On peut vous écouter sur énormément de radios grâce à Sophia, la banque de programmes. Je pense qu'on peut les retrouver sur Internet, tout ça. Toutes les infos sont sur Sophia, d'ailleurs, je suppose. Elles sont sur Sophia. Oui, c'est un peu flou. Je suis pas mise en lumière sur ce genre d'exercice. Mais bon, vous me retrouverez sur YouTube, Captain Audouin. Voilà. Vous me retrouverez sur Twitter. Vous me retrouverez sur Twitter, Captain Audouin. Vous me retrouvez dans plein d'endroits. Et par exemple, Bruno Guillon, eh ben, il a qu'à suivre mes infos, jeux vidéo et bandes dessinées qui sont très éclairées, avec des séances de dédicaces, des expos, des ouvrages intéressants qui sortent. J'essaye de faire une sélection vraiment très très éclairée en tant que spécialiste de la bande dessinée et faisant partie de la CBD, l'association des critiques de bande dessinée. On se bat en tant que journaliste depuis 20 ans pour vous offrir le meilleur de la bande dessinée, éclairée, intelligente, cultivée. Je sais pas comment, je veux pas mettre trop de superlatifs ou trop de termes, mais et je fais partie de la CBD et donc j'ai des infos sur Captain Audouin sur Twitter. L'émission est à retrouver sur le www.fréquenceprotestante.com, également sur le www.lamecaniquedesondes.com. L'émission est plein de bonus. Évidemment, je vous le garantis, avec cette émission, il y en aura beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée sur Fréquence Protestante. Philippe Audouin, merci. Avec plaisir, c'est moi.